soleil. Matin, à l'instant du réveil, viens tendrement poser les perles de rosée sur la nature. Chante mon cœur la chanson du matin dans la joie de la vie qui revient. Matin, t'es levé le soleil. Matin, à l'instant du réveil. Mais dans le cœur battant, c'est le que j'attends en tout rayon d'amour cher à mon cœur, afin que son premier soupir réponde à mon dernier désir. Et chaque baiser perdu ne revient plus. Chante, chante mon cœur dans la splendeur du jour, fais lever le soleil de l'aurore.